France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 119. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 4 mai 2008, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Feuille de Vigne, tu es le David de Michel-Ange ou la Playmate de Hugh Hefner, tu es Strip Poker et tu finis comme un verre, tu es sans culotte et sans pudeur, tu es défroqué et tu es aussi... Ah mademoiselle, ce n'est pas possible, le docteur ne reçoit qu'individuellement. Oh écoutez, je connais le docteur et... Bon, déshabillez-vous. Complètement ? Bah oui ! Oui, tu l'as bien compris l'ami. Ce matin, tu es dans le plus simple appareil, tu es à Walpé. Alors ça y est, il est arrivé ce joli mois de mai. Et comme chacun sait, en avril, ne te découvre pas d'un fil, mais en mai, fais ce qu'il te plaît. Enfin, attends la fin de l'émission quand même. Eh bien nous, ça nous plaît de consacrer ce matin une émission de 53 minutes au nu intégral, sans tabou, sans pudeur, mais sans image. Et pour commencer notre joyeux striptease, des chefs-d'œuvre de Praxitèle aux performances du body art, nous allons revenir sur ce qu'est le nu dans l'art. Ensuite, durant quelques minutes, nous tenterons de comprendre un peu mieux ce sentiment de pudeur qui parfois nous paralyse. Dans la foulée, grâce à Georges Delamare, nous apprendrons néanmoins que la nudité peut être utile et agréable. Et puis, nous te dévoilerons les coulisses de l'intense rénovation du Parti Socialiste dont les principaux dirigeants ont décidé de se mettre à nu pour sauver leur peau. Et enfin, nous prendrons la direction de Gros Boule-les-Bains où Georges, le patron d'une boîte de striptease de Miami, est venu semer sa zone cette semaine dans la tranquillité nocturne de Monique et Jean-Claude. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et tout le monde à poil. Visionary, vision is scary, can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. Well, I'm back. Fix your minutes and I'm tuning in. And I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner. I'm interesting. The best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Testing. Attention, please. Feel the tension. Soon as someone mentions me, here's my 10 cents. My 2 cents is free. A nuisance. Who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I said, this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. Big up. Without me, autrement dit, sans moi, c'est ce que regrettait en 2002 ce fou furieux d'Eminem. Mais c'est aussi, figure-toi, ce que disait le père Joseph à Richelieu, car en effet, le cardinal se sentait tout nu sans son éminence grise. Madame, si ma robe était de bronze, vous entendriez sonner le tocsin. Alors, convaincu qu'on doit cacher uniquement ce qui est laid, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin de laisser tomber tous ses oripeaux afin de consacrer toute une émission à la nudité. Et pour commencer notre réflexion sur le corps dévêtu, il est nécessaire de revenir durant quelques instants sur une constante de la production artistique, à savoir le nu, bien sûr. En effet, les plus anciennes représentations humaines nous montre de généreuses femmes nues au sein protubérant, les Lucy Ferrari préhistoriques. Mais c'est la Grèce antique qui nous offre véritablement les premiers nus artistiques. Le corps est alors exalté, avec une grande précision anatomique, dans le but d'atteindre un idéal de beauté. Cependant, après le triomphe de l'Église catholique, il devient un peu plus compliqué pour les artistes de représenter le corps nu. Les prélats ont des obsessions, notamment tout ce qui est de l'ordre de la protubérance, tout ce qui dépasse en haut ou en bas suscite leur foudre. Il ne faut pas se faire remarquer par des écarts de forme ou de couleur. Oui, c'est proprement diabolique. Enfin, c'est... Tout à fait, c'est animalier et diabolique. et diabolique. Et oui, c'est diabolique. Surtout pour une religion dont les desservants sont des célibataires qui ont fait vœu de chasteté. Bon, les artistes réussissent tout de même à peindre le corps nu en représentant par exemple le martyr de Saint Sébastien, Adam et Ève ou encore Jésus sur la croix. Pourtant, avec la renaissance des arts de l'Antiquité, le nu revient en force dans la création artistique. Enfin, avec des restrictions tout de même. Lorsque Michel-Ange a peint la Sixtine, il l'a peinte en deux fois. Il a peint d'abord le plafond et il a peint ensuite le fond de la chapelle. Il s'est écoulé un quart de siècle entre les deux opérations. Alors ce qui frappe, c'est que tout le monde est nu, jusqu'à la Vierge. Les saints sont nus, les damnés sont nus, le Christ est nu, tout le monde est nu. D'où, bien entendu, scandale. Et dans la suite des temps, on a peu à peu habillé tous ces corps. Un disciple de Michel-Ange fut obligé de peindre de nombreux voiles. Il y gagna le surnom de braguettone, culottier. Mais le braguettone voit peu à peu son influence diminuer et les artistes s'affranchissent de la censure religieuse. Les corps dénudés peints par Botticelli ou par Rubens ne choquent plus. Et pourtant, quand en 1863, Édouard Manet réalise le Déjeuner sur l'herbe, c'est un immense scandale chez les bourgeois bien pensants qui s'offusquent que l'on puisse représenter une femme nue. C'est étrange, puisque leurs propres salons sont truffés d'œuvres d'art montrant des corps dénudés. Alors pourquoi ce scandale ? Eh bien, tout simplement parce que le bourgeois adore le nu quand il représente une déesse de la mythologie, mais il s'étouffe d'indignation quand l'œuvre représente une femme, tout simplement une femme, comme l'Olympia de Manet. Je suis nue, je suis toute nue, et alors, c'est comme ça que ma mère m'a fabriquée. Ok, je suis nue, et alors. Je n'y peux rien, mes habits sont trop petits. Représenter le corps nu devient alors un passage obligé pour les peintres et cet exercice s'inscrit même profondément dans le stéréotype de l'artiste devant son chevaleret. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. Eh oui, la vie de bohème, c'est aussi le rapport étroit qu'entretiennent l'artiste et son modèle posant nu, et parfois même très étroit, quand par exemple, Gustave Courbet peint l'origine du monde. Elle avait du poil au ventre, Dieu sait si elle en avait. Elle les coupait par paquets de 30, pour en faire de jolies babelles. Mais un jour le Nilon la refaite marron, nom de nom. Ainsi, le nu conserve toute sa légitimité dans l'art contemporain. Il est d'ailleurs réinterprété au gré des courants artistiques qui nous offrent des corps cubistes, expressionnistes ou surréalistes. Mais, suivant l'analyse de Walter Benjamin dans son ouvrage intitulé « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique », le nu, comme forme d'art, est aussi sujette à une déperdition de l'aura. En 1969, sur les scènes de New York, apparaissent « Au Calcutta » et d'autres spectacles dans lesquels le sexe est montré intégralement. Mais Playboy résiste. En 1971, il montre les poils du pubis, non pas dans la page centrale, mais dans les événements. En même temps, son rival, Penthouse, de Bob Cuccione, a commencé son offensive. Ce magazine ose beaucoup, beaucoup plus. Hefner sait attendre, et ce n'est que lorsque le sens commun de la pudeur accepte la vision non censurée des organes génitaux féminins, vers 1973, qu'il se décide et présente la Playmate en intégrale, sans voile. Eh oui, le voile est levé et le nu comme forme d'art devient un classique de la photographie avec des artistes comme Spencer Tunick, Man Ray ou encore David Hamilton. Et pour les modèles, ben, y a des incontournables. On termine par cette information qui émane du Canard Enchaîné. Le président de la République aurait été photographié nu. L'image aurait été saisie par des photographes qui ont surpris Jacques Chirac debout sur le balcon du fort de Brégançon le 4 août dernier, dans le plus simple appareil. La photo en question n'a jamais été publiée. Et oui, les photographies de président Chirac tout nu n'ont heureusement jamais été publiées. En fait, c'est dommage, parce qu'elles auraient sans aucun doute remplacé dans les écoles d'art l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Mais bon, peu importe, puisque le meilleur des modèles est toujours fidèle au poste. Tu es pour moi le symbole vivant des amours romantiques qu'on découvre à 30 ans. Ton corps me fait vibrer, dans tes bras je m'enivre. Mon cher Albert, lorsque tous deux ensemble nous vivons, mon ventre sur ton dos formant un édredon, que j'ai donc du plaisir à contempler ta nuque. Mon cher Albert, tu fais pour moi des choses aphrodisiaques. Tout nu dans la cuisine, tu me lis du Mauriac. Lorsque j'entends ces mots, je l'avoue, ça m'excite. Mon cher Albert, comme Pollux et son copain Castor, comme ils étaient tristants, comme Sodome et Gomorre, nous sommes réunis par un amour unique. Mon cher Albert, je vais pourtant encore te demander une dernière grâce pour mieux me contenter. que tu viens m'aimer, garde donc ta soutane. Mon cher Albert, mon cher Albert, oh mon cher Albert, mon petit Albert, oh mon bel Albert, oh mon amour d'Albert. Everybody sur Albert, oh mon cher Albert, tous ensemble avec Albert, oh mon petit Albert. Encore une fois sur Albert. Mon cher Albert, ce fut la proposition indécente et dénudée de notre excellent Jean-Yann en 1964. L'année même où fut réalisé le célèbre gendarme de Saint-Tropez et dans lequel l'adjudant-chef Cruchot mène la vie dure aux nudistes. Nu au soleil, complètement. Nu au soleil, complètement. Alors maintenant, la clepsydre du Mangin Palace nous indique qu'il est à présent 11h20 et après avoir revisité l'histoire de la représentation du nu dans l'art, il est temps désormais de nous intéresser durant quelques minutes au corollaire de la nudité, à savoir la pudeur. Oui, mon ami, pourquoi honte as-tu d'exposer ton corps dévêtu alors qu'à l'origine... Les cancrelats, les perroquets, n'ont jamais porté de gilet dans la nature. Faut pas de pelure. Les rats, les singes, les hérons, sont-ils couverts d'un pantalon? C'est ridicule. Tous nos scrupules ont-elles des bottes, soit les abeilles et des tricots, les perce-oreilles? Non, vive le nu, nous sommes venus. C'est reconnu, l'air ingénu au monde tout nu. Vive le nu, vive le nu. Mince ou chouflu, le nu crépu, le nu tondu, le nu poilu, vive le nu. En effet, sais-tu que le deuxième chapitre de la Genèse s'achève par le verset suivant : l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Seulement voilà, lorsqu'Adam et Ève, tentés par Jacques Chirac, se mettent à manger des pommes et prennent soudainement conscience de leur vulnérabilité à travers leur nudité. Le sentiment de honte est tel que désormais, lorsqu'Adam et Ève se pointent à walper devant Dieu, ils se planquent. Puis au 47e chapitre du livre d'Isaïe, le prophète écrit ceci : « Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance et je n'épargnerai personne. » Depuis, certes, l'essor de la psychanalyse au XXe siècle a permis notamment une déculpabilisation de la nudité corporelle. Mais il n'en demeure pas moins que Dieu apprécie toujours aussi peu la remise en cause de son jugement suprême. D'ailleurs, lorsque tu cherches à le provoquer à walper, Dieu manifeste immédiatement son féroce courroux. Immeubles effondrés, habitants terrorisés, le Sud Bâconi a connu lundi dans la nuit un tremblement de terre de 1 sur l'échelle de Couillu. Alors, Pénélope, rappelez-nous ce qu'est exactement l'échelle de Couillu. Avec plaisir, Maurice. L'échelle de Couillu, c'est l'unité de mesure que l'on utilise la nuit quand les habitants dorment sans leur slip. Degré 1, les couilles ballottent. Degré 2, on reçoit une couille dans l'œil. D'accord. C'était donc un tremblement de terre très fort, de degré 1, qui a donc fait trembler les couilles à tout le Sud Bâconi. C'est ça, Maurice, c'est ça, oui. Merci, Pénélope. Non, c'est moi qui vous remercie. Vous savez, dès qu'il y a une blague sur les couilles, c'est un vrai bonheur pour moi. Bon, ceux qui dorment nus sont désormais prévenus. Tu connaissais déjà l'échelle de Jacob, et bien dorénavant, le Père éternel t'offre l'échelle de Couillu. Cela dit, comme à chaque fois que Dieu condamne quelque chose, le prince des ténèbres, lui, en fait aussitôt son commerce. Oui, les suppôts du diable ne s'encombrent jamais de la pudeur. Un scandale assez étonnant vient d'éclater à Vienne, en Autriche. On vient de découvrir que le chef des gardiens de la prison de St. Pentel s'organisait, pour lui tout seul, d'incroyables séances de striptease. Eh oui. En effet, l'allègre garde-chiourme se glissait la nuit dans la section femme de la prison, et là, assis dans un confortable fauteuil, il se confectionnait, pour lui tout seul, un spectacle digne du Mayol. Puis, satisfait par sa prison by night, il distribuait généreusement quelques pommes et quelques caramels aux détenus. Malheureusement pour notre geôlier, une gitane demanda de l'augmentation. Elle voulait 3 pommes et 12 caramels par soirée. Vous voyez qu'il n'y a pas qu'en France que les gitanes augmentent. Mais devant le refus du galant brigadier, la gitane se mit à pousser de tels cris que la police dut intervenir et découvrit ainsi le poteau rose. Or, chose curieuse, le brigadier a été incarcéré dans la seule prison d'Autriche dont le directeur est une femme. C'est un bizarre retournement des choses, on peut le dire. Bon, résumons. Pour certains, la pudeur serait une punition divine suite au péché originel. Traduction, la nudité, c'est le diable. Pour d'autres, la pudeur est un droit assimilé à celui de la protection de la vie privée. Traduction, chaque individu a droit au respect de sa pudeur, ce qui permet de le protéger des abus de quelques esprits pervers tels un gardien de prison sadique, par exemple. Cela dit, certains auteurs, tels Milan Kundera, nous montrent également qu'aujourd'hui, derrière l'idée d'une pudeur qui nous serait imposée, peut aussi se cacher un véritable esprit totalitaire. Mais alors, au cœur de ce fatras idéologique, faut-il ou non être pudique ? Eh bien, certains d'entre nous ont tenté de trouver une réponse en revenant aux origines de l'humanité. Serais-tu tenté ? C'est vrai que quelqu'un qui n'est pas naturiste et qui ne connaît pas ça, pour lui, les saints naturistes, c'est quoi ? C'est la partouze, c'est la débauche. D'un côté, c'est aussi ce côté hippie, où on est là, on plane, c'est la nature, c'est le sexe abondant. Alors que c'est faux, c'est pas du tout ça. Le naturisme, c'est être bien, on est bien, moi je te vois, toi tu me vois, on s'aime tel que tu es, je te respecte. Toi, t'as des grosses fesses, t'as un gros ventre, je te respecte, je t'aime. C'est, quoi. C'est une des meilleures formes de tolérance, quoi. Il n'y a plus de barrière physique. Voilà. On rentre carrément, bon, si on pourrait grossir, mais on rentre carrément dans un monde spirituel. C'est quoi. C'est entre être et être, il n'y a plus cette charnière corporelle, ce corps, il y a ce paraître. Je suis comme ça, accepte-moi comme ça, et moi je t'accepte comme ça. C'est merveilleux, c'est un échange. Ouais, un échange, ouais. C'est toujours pareil, hein. Et plus que jamais chez nos amis naturistes, mieux vaut être belle et rebelle que moche et remoche tout de même. Donc, pour expérimenter la nudité, oublions les vacances à Montalivet. Non, il apparaît, je crois, que la nudité, et forcément la pudeur, sont avant tout une question d'intimité. Chacun sait que pour se dénuder et s'exposer sans gêne au regard de l'autre, il faut avoir confiance en l'être aimé. Allô ? Comment ça va, ma chérie ? Bien ? T'es où, là ? Non, c'est tout ce que tu portes. Mais attends, t'es une vraie salope, toi. C'est pour ça que je t'adore. Non, pas tout de suite, ma chérie, je suis en réunion, là. Hein ? Tu verrais, mes potes, ils sont comme des oufs, là. Ouais. Bien sûr qu'ils ont tout entendu. Mais non, je leur dis pas quitter, ça va pas ou quoi ? Attends, je suis pas comme ça, tu me connais. Hein ? Ok, ma chérie. Bon, allez, je t'embrasse, je te laisse. Je dois te laisser. Je t'embrasse, ma chérie. Bye. Je te jure, je leur dis pas, c'est bon. Allez, je t'embrasse. Bye, chérie. C'était Martine. Bon, là, évidemment, on constate qu'il n'y a rien de pire que la trahison en matière de pudeur. Mais alors, au final, bon sang, comment être nu sans ne jamais ressentir ni la honte, ni le dégoût ? Comment rendre utile et agréable sa nudité ? Eh bien, c'est Georges Delamarre, journaliste à l'ORTF dans les années 50, qui va nous apprendre dans quelques instants qu'en réalité, la nudité doit être utilisé à des fins activistes, le nu comme un acte de résistance. Oui, on découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Ça va devenir une mode. Dernièrement, dans une petite ville de Russie, un prévenu comparaissait devant le tribunal. Le président était une présidente, une jeune femme magistrat. Le prévenu, impatienté sans doute par l'interrogatoire, ne trouva rien de mieux pour manifester son agacement que de se déshabiller. Quand il fut nu comme un ver, il se coucha de tout son long sur le sol. À cette vue, la jeune femme magistrat faillit se trouver mal et n'eut que la force de s'enfuir. Tout le monde à poil ! À poil ! Avant-hier, à Varsovie, au stade Guardia, il y avait grand concours international de lutte. Un athlète bulgare nommé Stankzev eut le malheur de déplaire aux assistants. Très vexé des huées dont il était l'objet, le lutteur enleva précipitamment sa culotte pour prouver son... enfin, pour montrer son mécontentement au public. On s'en doute, le tohu-bohu fut indescriptible. Les spectateurs, très en colère, envahirent le ring, difficilement contenus par les commissaires affolés. Tout le monde à poil ! À poil ! Mais où allons-nous si, dans des circonstances analogues, représentation théâtrale ou réunion publique, un acteur ou un candidat, lorsqu'il ne se sera pas satisfait de la salle, croira devoir mettre son âme à nu et le reste en guise d'argument suprême. Je suis si beau lorsque je suis tout nu, qu'on a envie d'aimer manger tout cru. Dans les événements que je viens de citer, Le striptease s'est associé au judiciaire et au sport. Il y a peut-être là une idée d'avenir. Et comment ne pas penser à la courtisane frinée, accusée d'impiété, comparaissant devant l'aréopage, et à qui le sculpteur Praxitèle ôta brusquement son manteau, seul voile qui cacha sa beauté. Les juges, frappés d'admiration, acquittèrent Frinet. C'est probablement le but qu'ont voulu atteindre le prévenu russe et le lutteur bulgare. Personnellement, j'avoue que je préférerais le genre Frinet. Déshabille-toi, hein ? J'ai dit à poil. Bon, bon. Alors à poil. Back to Black, c'est la nouvelle livraison de la sulfureuse britannique Amy Winehouse qui vient de poser nu le mois dernier, dis donc, pour la recherche contre le cancer du sein. Ça, c'est classe. Alors que quand Flavie Flamand, elle, pose sein nu dans Gala pour remonter ses audiences, pas classe. Alors, afin de poursuivre notre promenade sans vêtements et sans pudeur, la panique au Mangin Palace va te révéler maintenant, à 11h32, ce qui se trame réellement en ce moment au cœur du Parti Socialiste. Et oui, il ne faudrait pas imaginer qu'il ne se passe rien au PS. Tiens, mercredi dernier, par exemple, dans le cadre de la rénovation du parti, il y avait une réunion au sommet rue de Solferino. Salut Laurent, salut Dominique. Salut Jack. Tu veux de la pizza ? Formidable le football. Oui, ça fait du bien de faire une pause. La politique, c'est fatigant. Hein. Oui, tous les ingrédients sont réunis pour que nous assistions. Oh là là, oh là là là là là là, Thierry, mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà qui n'a pas peur d'attraper froid. Vous avez vu, il est tout nu. Ils ne savent plus quoi inventer pour passer à la télé. Regardez, il y a quelque chose d'écrit. Mais c'est Lionel ! Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Je suis disponible ! Appelez-moi ! Vous avez vu le numéro ? Je suis disponible ! Appelez-moi ! C'est une situation totalement inattendue. Face à la complexité de sa succession à la tête du Parti Socialiste, François Hollande fait donc appel à Lionel Jospin. L'ancien Premier ministre a en effet une idée merveilleuse pour offrir aux militants un signe fort afin de montrer que le parti reste malgré tout soudé. Lionel Jospin veut en effet reprendre une recette qui a fait ses preuves pour vanter l'esprit d'équipe, fabriquer un calendrier des dieux du stade socialiste. Et Lionel explique ses raisons. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important qui remonte très loin. N'oubliez pas que César nous dit que les Germains combattaient complètement nus et que les femmes faisaient partie des premiers rangs et combattaient complètement nus. De manière générale, la nudité va avec la démocratie. Chaque fois qu'il y a eu des tyrannies, il y a eu une opposition à la nudité et au naturisme. Et dans des pays de liberté, il y a une moins grande honte du corps. À l'exposé de cette idée d'un calendrier des dirigeants socialistes dénudés, c'est l'euphorie chez les membres du Bureau national. À poil, tout le monde à poil, les petits, les grands, les bons, les méchants. Tous les membres du Bureau national du Parti socialiste arrachent alors leurs vêtements dans une transe unitaire. Et il y a bien Ségolène qui, une fois encore, est un peu plus exigeante que les autres. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez m'hypnotiser. Me capturer. Ségolène Royal se prépare donc à poser dans le calendrier qui doit relancer l'intérêt des Français pour le Parti Socialiste. Pourtant, quand il la voit se dévêtir, Laurent Fabius se fait pudique. Je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment ? Couvrez ce sein que je ne saurais voir par de pareils objets. Les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi, je ne suis point si prompte. Et je vous verrai nu, du haut jusqu'en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. D'ailleurs, Ségolène Royal exige immédiatement que Laurent Fabius se dénude lui aussi afin de poser nu pour le calendrier des dieux du stade socialiste. Mets-toi tout nu, si t'es un homme. Histoire de voir où nous en sommes. T'es bien plus beau comme ça. Un point c'est tout, un point c'est toi. Voyant que Laurent Fabius ne veut pas se dévêtir, François Hollande intervient et demande des explications sur cette crise de pudeur. Laurent se justifie. Quand j'avais environ 12 ans, il y a l'école qui nous a emmenés à la piscine. Les garçons mélangés avec les nanas. Ça a été horrible, tu sais. J'étais là, tout con au coin de la piscine, en maillot, avec ces jolies petites jeunettes qui se baladaient en bikini. Ben j'ai eu la trique. T'as fait quoi ? Et j'ai sauté dans le grand bain, même que j'ai failli y rester. Mais là, moi, je fais quoi si j'attrape la trique ? Il arrive quoi devant toutes ces rangées de femmes ? Demande à un autre, pas à moi. Oui, François Hollande est encore le secrétaire général du Parti Socialiste et devant les récalcitrants qui refusent de se mettre à nu pour le calendrier des dieux du stade socialiste, François, il refuse la violence. Le temps qu'on peut obtenir les choses autrement, j'en suis sûr. Tenez. En demandant. Pardon, messieurs, pourriez-vous ôter vos pantalons, s'il vous plaît ? J'ai dit, ôtez vos frocs. J'aimerais voir ce que vous portez en dessous. On dit que la soirée vient à la mode. Ainsi, en quelques minutes, le PS est en nu intégral. Bon, c'est sûr, on ne va pas te cacher que cette situation étrange n'a pas été facile à gérer. Certains étaient mal à l'aise, d'autres un peu moqueurs, et il y avait même quelques petits curieux. Quoi que c'est qu'un Noédem ? Pour la photo ? Je t'ai demandé à la Marie. Explique-y, Marie. Oh ben non, alors. Oh ben dis. En quoi ? On a vu d'autres. Vas-y, quoi, montre-nous. Oh ben non, je vais pas montrer mes Noédems devant Tigibus. Ben dis. Tu sais pas que t'en as pas, hein ? Tu m'en poussais encore. Quoi ? T'as poussé encore, qu'est-ce que t'en sais ? La preuve, t'es pas lecteur ! Oh ben quoi, foutez-lui la paix si elle veut pas ! Bon, tout compte fait, Marie-Noël Lindemann accepte elle aussi de poser nu pour le calendrier des dieux du stade socialiste. Certains se dissimulent derrière une rose et d'autres cachent leur pudeur avec le chapeau de François Mitterrand. Sauf que voilà, pas très loin de là, la majorité présidentielle prépare une contre-offensive et Nicolas Sarkozy a pris la tête des opérations. Messieurs, voici notre objectif. L'ennemi se tient ici, supérieur en nombre, rusé, attentif et bien organisé. Or, que faire, me direz-vous ? Posez le problème. Qu'est-ce qu'un gendarme ? Qu'est-ce qu'un nudiste ? Perico, qu'est-ce qu'un nudiste ? Chef, c'est quelqu'un de tout nu. Merlot, qu'est-ce qu'un gendarme ? C'est quelqu'un de tout habillé, chef. Chef. Oui. Avec un uniforme. Très bien. Donc, si le gendarme est tout nu, il peut approcher le tout nu, mais rien ne prouve plus qu'il soit gendarme. Par contre, si le tout nu voit le gendarme, hop, il s'habille et rien ne prouve plus qu'il soit nudiste. C'est ce que nous appelons dans notre jargon de métier les données contradictoires. Mais données contradictoires ou pas, les nudistes du Parti Socialiste engagent avec vigueur la lutte contre la politique du gouvernement. Tout nu et tout beau. L'affrontement s'annonce terrible entre les féroces guerriers naturistes socialistes et les forces gouvernementales. Sauf que voilà, l'arrivée des énergumènes complètement nus fait perdre toute capacité de réaction aux membres de l'UMP qui s'enfuient, fissa. Victoire incroyable du PS qui, en plus, s'offre le luxe de faire un prisonnier Brice Hortefeux. Alors les gars, qu'est-ce qu'on lui coupe? Les oreilles! La langue! Le taureau! Bzzz! Si tu me touches, je le dis au curé, je suis au maire du pays! Pour Zébic, tu le diras, t'as un peu de langue! Ni zizi! Et maintenant, on passe aux choses. Non! Aux choses sérieuses. Tes oreilles, ton tarin, ton zizi, j'en ai rien à faire. Y'a qu'une chose qui compte chez l'homme. C'est l'honneur. Oui, mais bon, comment faire perdre son honneur à Brice Hortefeux? Sa tâche officielle est déjà si lourde, se dit François Hollande, nu comme un ver. Les socialistes dénudés regagnent donc la rue de Solferino pour terminer leur calendrier sous la chaleur des flashs du photographe, mais à l'envers. Hein. Sous la chaleur, à l'envers, je n'existe que pour d'autres pères. Je laisse les miens sans dos. Quelques chagrins dans les veines. Kids are swinging out in heaven. Et les gosses dansent au paradis. Kids are swinging out in heaven. Et les gosses dansent au paradis. I'm leaving home without a sight. Torn apart by different facts. I'm walking in the summertime. I'm leaving, but I don't know why. Kids are swinging out in heaven. Kids are swinging out in heaven. Kids, ce sont les mômes vêtus de Joseph d'Anvers, contrairement aux anges du paradis qui, eux, se trimballent toujours à poil. Mais bon, quand tu n'as pas de sexe, hein, c'est facile aussi. Ah, allons, tout ça, c'est de la bouffonnerie. Alors maintenant, afin de prolonger notre exploration de la nudité, il est grand temps désormais à 11h43 de retrouver nos deux plus simples appareils avec leur fil dénudé, à savoir le poilu de Jean-Claude et la police de Monique, bien sûr. Avant tout, figure-toi que mardi dernier, Jean-Claude est allé mater le match de foot qui opposait Barcelone à Manchester en compagnie de deux amis, Jean-Guy et Georges, un vieux pote de passage à Grosboule-les-Bains mais qui s'est installé à Miami depuis de nombreuses années où il est devenu le big boss d'une gigantesque boîte de striptease. Et forcément, le match de foot une fois terminé, notre Jean-Claude a plein de questions à poser à Georges. Alors, Georges, t'assistes souvent aux auditions? J'y assiste, tu parles, c'est moi qui les engage. Non. J'ai vu tous les nichons de Floride. Et c'est quoi vos critères? Les nibards aussi gros que des pastèques? La fermeté est cruciale. Je contrôle en suivant des règles. J'agite. T'agites leur nichon? Ça n'a rien d'amusant, crois-moi. J'ai une tendinite à cause du poids de ces trucs. Quand il pleut, je suis à l'agonie. Dis donc, Georges, t'as auditionné des femmes un peu célèbres? Quoi? Ouais, avant qu'elles deviennent célèbres, quoi. Meryl Streep. Le mec, Meryl Streep était stripteaseuse. Elle était démente. Lolo de France. C'était le nom de scène de Meryl. Oui, dans l'entourage du Jean-Claude, il y a quelques mecs très classe. Toujours est-il que sur le chemin du retour, les expériences lucifériennes de George en Floride titillent sérieusement le Jean-Claude. Résultat, lorsque ce dernier rejoint Monique pour se pieuter, elle est un peu surprise. Mais qu'est-ce que tu fous à poil ? Bah, tu vois bien, je vais prendre une douche. Mais qu'est-ce que tu fous à poil ? Bah, tu vois bien, je mets mon pyjama. Mais qu'est-ce que tu fous à poil ? Bah, tu vois bien, il fait trop chaud. Mais qu'est-ce que tu fous à poil ? Bah, tu vois bien, je t'attendais. Mais pourquoi tu te rhabilles ? Monique comprend très vite que Jean-Claude a sans doute dû picoler pendant le match et qu'il est certainement grisé par l'alcool. Du coup, elle, qui dort nue d'habitude, préfère enfiler ce soir une chemise de nuit un peu rêche. Ce qui n'empêche pas le Jean-Claude de revenir à la charge question ma mère. Fais voir un peu ? Non, écoute, fais voir, qu'est-ce qu'elle a, ta poitrine ? Elle a quelque chose ? Fais voir. Dis donc, ils sont pas pareils, alors. Qu'est-ce que tu dis ? T'es complètement fou. Ah non, je t'assure, il y en a qui est plus gros que l'autre. Écoute, c'est pas vrai. Ah si, c'est non, vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai. Bah tout le monde est comme ça, alors. Non, pas du tout, tu vois. Même pour les différencier, je sais pas, faudrait leur donner un nom, par exemple Laurel et Hardy. Écoute ! Non, mais c'est vrai. Ou bien je sais pas, si tu préfères Don Quichotte, et puis celui-là, le petit gros, là, et sans chauffant ça. Écoute, tu me fais pas rire, allez, je te tape. Ah, est-ce qu'on est bien la nuit, au chaud, dans son lit ? Monique est exaspérée par les conneries du Jean-Claude. Franchement, elle n'a jamais aimé ce Georges et surtout, elle préfère quand Jean-Claude regarde le foot à la maison. Cela dit, la nuit cueille nos deux engins et finit par les plonger dans un profond sommeil. Il est alors 4h du matin et toute la maisonnée squatte allègrement les bras de Morphée. Jean-Claude rêve maintenant paisiblement des sublimes plages de Floride. Quand soudain, Monique sursaute, réveille Jean-Claude qui, lui, tente de comprendre ce qui vient de se passer. À quoi tu rêvais ? Nous étions dans une ville déserte. Nos vêtements avaient disparu. Nous étions nus. Et j'étais terrifiée. J'avais tellement honte. Oh, quelle horreur ! Un homme est sorti de la forêt. Il avait l'œil fixé sur moi. Et il riait comme un fou. Il se moquait de moi. Monique accuse alors Jean-Claude d'être responsable de son cauchemar. Eh oui, après ses pulsions libidineuses à Walper d'hier soir, forcément, elle était troublée, Monique. Jean-Claude ronchonne, d'autant qu'il était en pleine fantasmagorie nocturne sur les plages de Floride et que, lui aussi, dans son rêve, il était... Ouais, enfin bon, Monique pressent tout de même qu'il ne s'agissait nullement d'un cauchemar pour Jean-Claude, qui d'ailleurs se rendort aussitôt pépère et se retrouve à nouveau dans la banlieue chic de Miami, au cœur de la somptueuse bicoque de Georges. Et là, Jean-Claude, très à l'aise, côtoie de sublimes créatures autour de la piscine. Vous avez un très beau corps. Vous pourriez dire, vous portez une très belle robe. Je ne suis pas nue, que je sache. Ce qui m'importe n'est pas que vous soyez nu, mais que je vous vois nu. Vous ne voulez pas me sourire ? Allons nous réconcilier en buvant un peu. Monique, qui ne parvient plus à trouver le sommeil, fulmine contre le sourire béat et niais du Jean-Claude endormi. Du coup, elle le secoue avec virulence car elle voudrait bien savoir quel est ce rêve qui le rend si jouasse. Oh là, Jean-Claude somnolent bafouille bien sûr que... Ben, il rêvait d'elle. C'est ça, ouais, lui répond Monique. Escroc, va. Et ça, c'est du poulet ? Bon, Jean-Claude demande alors à Monique de se calmer 2 minutes. Il est très tard et demain ils bossent tous les deux, donc il faut dormir maintenant. D'autant que demain soir, ils ont à dîner chez eux la mère de Monique. Alors merci, hein. C'est ainsi qu'une nouvelle fois, Jean-Claude replonge dans ses rêves où tout à coup surgit sa belle-mère. Est-ce que tu pourrais demander à ton mari qu'il ait la gentillesse de passer un slip ? Merci. Si on commence à s'arrêter à des détails aussi vite. Petite nature, on a peur de la bête ? Non, je trouve ça moche à regarder, c'est tout. Eh oui, mais je suis chez moi. Et chez moi, je me balade à poil, si je veux. Il y a des limites. À 5 heures du mat, Monique a des frissons et ne dort toujours pas, excédée par ces petits rires incessants et crétins du Jean-Claude qui, lui, pionce comme un loir, nu comme un ver. Inquiète en réalité de constater combien son homme semble prendre du plaisir dans ses rêves, Monique décide alors de sortir le grand jeu. Elle se dévêtit totalement, réveille à nouveau le Jean-Claude, mais cette fois avec délicatesse et lui sort un sublime numéro de charme. Voilà Monique intégralement nue devant Jean-Claude qui n'en croit pas ses yeux. Tu vois mes pieds dans la glace ? Oui. Tu les trouves jolis ? Oui, très. Et mes chevilles, tu les aimes ? Oui. Tu les aimes, mes genoux aussi? Oui. J'aime beaucoup tes genoux. Et mes cuisses? Aussi. Tu vois mon derrière dans la glace? Oui. Jolies mes fesses. Oui. Très. Pour être totalement sublime, que manque-t-il à Monique ? De la pierre, ponce bien sûr, lui répond Jean-Claude, pour une peau parfaitement lisse. Enfin, si tu veux vraiment connaître la fin de la nuit entre Monique et Jean-Claude, entre ces deux corps nus et enlacés, eh bien ce matin pour Tu es nu, nous sommes prêts à aller très loin, d'accord ? Alors allons-y. Ah ben oui, c'est de la radio, il n'y a pas l'image. Tant pis, fin de l'histoire, mais bon, les plus curieuses sensations ne sont pas à la télévision. J'ai pas envie de l'avoir nu. J'ai pas envie.